Pas le temps de prendre un café, rejoindre tous ces empaffés, reprendre les cours que j'ai pas fait. Déjà 7h30 passées, vois pas le temps passer. La journée s'est terminée comme elle a commencé. Comment c'est possible, ces jeunes pris pour cible, pris dans le collimateur de tous les animateurs, te prennent pour un amateur, grandis sans tuteur. Tu leur diras que tu t'en fous d'en bas, depuis tout petit déjà, au milieu des dégâts. Se frayer un chemin, surtout rester serein. Quand les gens te mettent des bâtons dans les roues, relève-toi sans dégoût, mais avec obsession, sans trop de pression. C'est pour tous ceux dont la vie a fait péter les plans, qui dès le départ galéraient. Apprenez la leçon, la revanche, trois garçons, trois gars chiants pour l'état. Et putain, franchement, dans quel état on est tous? Est-ce qu'on en reste là? Les valeurs, c'est bon, tant qu'il nous reste là. Mais malheureusement, d'autres en veulent plus, piqués au cactus. C'est pour ça que j'accuse l'homme d'être mauvais, pour ça que le tiers-monde existe, que l'argent fait des meurtres et qu'elle en exige. Alors exit les phrases du genre semer des thunes, récolter des pétasses, y a pas photo et pas beaucoup de poteaux auxquels tu puisses t'accrocher. Quand t'es fauché, pas de meuf, sincèrement, un peu trop dérangé. C'est le monde qui a changé, trop le chantier, alors je viens chanter ce qui nous est cher et c'est terre à terre. Mais bon, tu dois te taire, mais pas pour longtemps, c'est nous qui allons suivre, il faut en découdre. N'écoute pas les gens qui disent que c'est noir, parce que la couleur n'a pas d'importance. Je porte tout trans à tous ces fâches ou tyrans qui ont fait de tous ces peuples des esclaves, que même pas un remords accable. Je porte plainte contre cette police qui oppresse notre pays sous prétexte d'insécurité. Regarde plutôt tous ces clodos qui crèvent comme des chiens. Il avait une famille lui aussi qui s'en souciera. On vit comme des rats. Et en plus on racle, on n'est pas allé à la fac, mais on a fait la France, on a créé des chances, on a des leçons, des baffes, des bâtons, des gosses et de l'horizon, c'est la pente alors glissons. HLM dans l'assaut, moi c'est Kunero, j'ai des croches, j'ai pas le micro, toxique ma vie, ma musique est risque, comme un rodeo, avec ta gadina, ta Alfa Romeo, mon nom c'est pas Romeo, je suis gita avec les chicots cassés, la masse appelle la crosse sur l'épaule, allez viens, viens à l'ancienne, tu me verras pas sur scène, allez vas-y Malo, envoie le katana, faut le baisser, cœur blessé, passer du violon, maintenant elle côté la barrière, assis sur un banc en train de fumer de la verte. Gignac, je suis violent comme une percute de Mohamed Ali. Je suis violent, c'est instrumental. Je suis violent comme Malo au volant. Les pieds, les mains liés dans le ciment. Et toi, KCDI, comme GTI, comme faire du TIG, LGG, la rue nous quête. Elle t'a nourri, rigole, c'est toi qu'on trouvera dans la rigole. Salut toi, tu te rappelles de moi. Aboie quand tu me vois, moi je ne t'ai pas oublié. Je vais t'humilier des coups de pelle par milliers. Te cravacher, t'enterrer 6 pieds sous terre. T'as voulu m'enculer, enfoiré. Je suis l'ange de la mort qui vient prendre ta carcasse. T'es qu'une tortue sans carapace. Quand tu passes dans ma rue, tu n'es pas le bienvenu. Je vais te briser les os avec mes crocs. Je suis le chien qui vient manger dans ta gamelle. Les dents de la mer sur ton crâne de balance. Ta mère va me supplier pour ne pas te liquider. T'es qu'un petit PD qui s'en fout plein le nez. Tu crois me faire peur avec ton crâne rasé. Je vais t'enchaîner coups sur la mâchoire avec des lames de rasoir. Crois-moi, je vais pas te lâcher mais te lyncher. Tu t'es fait pincer ta balance, maintenant faut rembourser. Surtout nous tourne pas le dos, KCW va te casser tous tes os. Regardez l'heure qui passe pendant que le temps trace. Depuis la naissance, aucune conséquence, aucune connaissance. À part l'argent, apparemment tes potes te fréquentent rarement. Rarement déçu par tous ces gens aigris. Ne remarque pas que j'ai maigri. La vérité, on l'écrit avec KCW, on l'écrit dans ces foutus mic. Sans ces foutus Nike, importé de je ne sais où, Taïwan ou Tombouctou. Tout et tous bouffés par la maille, fabrique des racailles. Plein de bling bling, la jet set et leur chin chin. Champagne, Dom Pérignon, à consommer sans modération. Leur seule motivation, s'en mettre plein le fion, surtout plein le nez. Maintenant, sale bon, je venais, plus d'amour à donner. À la mer, je me suis abonné, à bon escient, pour être plus méfiant face à ces petits brigands qui deviennent priants. Les ressources naturelles épuisées, moi et mes potes médusés. Mais tu sais que la politique est bien rusée. Veulent envoyer des fusées pour voir ce qui se passe dans l'espace, mais ne voient pas ce qui se passe sur place. Ils restent à retourner leur veste tout le temps en train de se tester et qui finissent sans reste. Tout ce qui me laisse indigeste, moi je tolère pas le geste, encore moins la tristesse. Mais faut pas montrer de faiblesse ou on te met des taquets, y'a pas besoin de juger le premier venu. Mais regardons plutôt le vécu, chronique d'une galère vaincue. Je me bats pas pour vaincu.